Chapitre 38e. Quelques minutes après, je me retrouvais sur l'eau, soulagé par l'absence du garde et de deux Indiens fugitifs. Les nouveaux avaient un air de douceur qui me convenait beaucoup. C'était le père et le fils. J'espérais que je n'aurais pas à me plaindre d'eux. Effectivement, tout le temps qu'ils ont passé avec moi, je n'ai pas eu un seul reproche à leur adresser. Ils étaient, il est vrai, bien stupides, mais tout leur office consistait à se bien servir de la pagaie. La nuit vint une heure après notre départ. Je n'eus besoin que d'un signe pour faire comprendre qu'il fallait aller au milieu du fleuve, très large au-dessous de Maouès, et filer notre câble avec la pierre. J'avais distribué la ration de cachaça. Tout alla bien, d'autant mieux qu'avec ces pauvres sauvages, le ministère de l'affreux Polycarpe était inutile. J'aurais été à peu près satisfait si ma faiblesse, en paralysant mes mouvements, ne m'eût inspiré des tristesses passagères que je m'efforçais de repousser. Une nuit, je m'étais étendu sur les bagages, accablé de lassitude. Mon intention n'était pas de dormir, car je n'avais pas retiré ma natte, ni ma tente, ni mon manteau. Peu à peu, je m'étais assoupi, et je me réveillais en plongeant dans le fleuve. Au cri que je poussais en revenant sur l'eau, les Indiens arrêtèrent le canot et me tendirent la main. Polycarpe ne s'était pas éveillé, ou s'il l'était, je ne m'en suis pas aperçu. Le lendemain, nous montâmes dans un défrichement récent, mais déjà planté en cacao et en manioc. Plusieurs bananiers portaient des régimes que je me promis bien d'acheter et surtout de conserver. Une femme d'origine portugaise, mais tout aussi noire qu'une indienne, vint à ma rencontre. Je la saluai profondément, lui disant « Minha Branca, ma blanche ». Les bananes avaient fait de moi un vil flatteur. Effectivement, l'affaire s'arrangea vite, et de plus, je fis l'emplette d'une poule bien maigre que l'on me fit cuire immédiatement au sommet d'une perche. Et comme je jouissais cette fois de quelques litres de vin, j'allais m'installer sous mon toit pour tâcher de me donner des forces, ce dont j'avais bien besoin. J'ignorais le nom du nouveau fleuve sur lequel nous naviguions. Nous avions trouvé plusieurs embranchements, et il fallut me contenter de ce que me dit Polycarpe, que nous étions sur le fleuve Ramos, ce qui était possible, car le matin où nous avions dépassé Maouès, j'avais cru voir que le Madeira se dirigeait entre des îles, tandis que nous avions pris une autre direction en descendant. Nous passâmes devant la bouche de la rivière d'Andera, qui se jette dans le Ramo, et peu après dans l'Amazone, au-dessous de Villabella. Là, si je le voulais, mes fatigues étaient finies. Je n'aurais eu qu'à monter à bord d'un vapeur, et en 8 jours, j'aurais été de retour au Paria. Mais je me sentais un peu plus fort. Je voulais encore tenter la fortune, et naviguer de nouveau sur l'Amazone jusqu'à Santarém, ayant le projet de remonter, si c'était possible, le fleuve Tapajós, ou tout au moins jusqu'à Óbidos.